C'était un empire immense, celui d'une dynastie turque venue des confins de l'Asie mineure, combattant de l'islam, les Ottomans. L'Empire ottoman est le premier épisode, la porte de tous les succès, 15e, 16e siècle. Les sultans, qu'Allah les protège, règnent sur leur sérail, leur harem, leur divan, assistés de leurs vizirs et de leurs pachas, que leur prospérité demeure. Leur empire fabuleux s'étend de la Perse à Budapest. Ils ont conquis la Grèce, la Crimée, les Balkans, la Hongrie, et ne se sont arrêtés qu'aux portes de Vienne. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Et aussitôt, après ces propos qui tiennent peut-être du cliché, Nicolas Vatin, notre premier invité de la semaine, bonjour. Bonjour. Qui tient séminaire en Sorbonne sur le monde ottoman, a publié beaucoup sur le sujet. Le dernier livre avec Elisabetta Borromeo s'intitule « Les Ottomans par eux-mêmes ». Alors, si vous voulez bien, on va réserver pour la fin de l'émission un essai de définition du monde ottoman. Mais la porte, là, j'ai employé le mot « la porte » avec un P majuscule, qu'est-ce que c'est ? Bien, en fait, le souverain reçoit à la sortie de son palais les gens qui viennent demander justice. C'est sa porte, c'est son seuil, on trouve les différents mots. Et on sera amené à appeler le sultanat ottoman, la porte, comme on parle, « Downing Street », la sublime porte, elle, étant par la suite un terme plutôt réservé à la porte du grand vizir quand il aura ses bureaux, mais c'est plus tard. C'est pas tout de suite que le palais est installé sur la pointe où on peut le voir aujourd'hui, mais le choix de cet endroit en dit long sur la vocation de l'Empire. C'est une pointe qui est entre l'Europe et l'Asie. Oui, alors en fait, Mehmed II n'a pas été certain dès le début de s'installer à Istanbul, Constantinople. Il avait d'abord choisi un autre emplacement. Mais finalement, le palais s'est installé à ce qu'on appelle Topkapı, qui est un nom postérieur. Et c'est le bout de la péninsule qui fait le vieil Istanbul, et dont on disait qu'elle était... qui dominait les deux terres et les deux mers. Les deux mers, en fait, donc la Corne d'Or et la mer de Marmara, et les deux terres, l'Asie et l'Europe, ou bien Istanbul et Galata, peu importe, le monde tout entier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de cul-de-sac, mais le centre sacré où on ne pénètre pas est précédé par une porte limitée à quelques intimes, puis par une porte ouverte à plus de gens, puis par la ville elle-même fermée, et puis tout l'empire. Donc c'est vraiment le centre d'où le sultan domine tout, et on voit encore la tour de justice qui domine et qui permet à la fois de voir ce qui se passe, symboliquement bien sûr, et d'être vu non moins symboliquement. Mais avant que le sultan ne s'installe dans cette position en suspension, la maison dont il se dit issu, la maison d'Osman, elle représentait, au XIIe, au XIIIe siècle, quand la principauté naît, une marge de la civilisation musulmane classique en Anatolie. Oui, en effet, c'est une toute petite principauté qui se trouve aux marges du monde musulman. Mais ce qui fera justement son succès, c'est qu'elle est frontalière de l'Empire ottoman, enfin de l'Empire byzantin, excusez-moi. Et elle va croître petit à petit, autant en s'installant en Europe, au bout d'un certain temps, qu'en mordant sur ses consoeurs, autres principautés musulmanes, qui petit à petit vont être d'une manière ou d'une autre avalés. L'installation en Europe, c'est milieu 14e ? Oui, enfin, le premier pied, c'est quand il s'installe à Gallipoli en profitant d'un tremblement de terre. D'une alliance aussi avec oui, et ils étaient Byzance. Là parce que ils collaboraient avec les partis byzantins, en effet. Parce que il pouvait y avoir des liens entre les principautés chrétiennes, ce qui restait de l'Empire byzantin, et la maison d'Osman naissante. Cette maison, elle a connu un cataclysme au début du XVe siècle qui est extrêmement important, qui l'a fait se pencher d'ailleurs sur son histoire qui aurait pu être interrompue. Oui, alors à la fin du XIVe siècle, le sultan Bayezid Ier, dit la foudre, avait commencé à prendre une importance considérable, même pratiquement à effet de l'empereur byzantin un vassal, s'était emparé de beaucoup d'émirats musulmans d'Anatolie, en même temps qu'il avait beaucoup progressé dans les Balkans, avait commencé à inquiéter beaucoup de monde, et c'est à ce moment-là que Tamerlan est intervenu. Il y a une grosse rivalité entre les deux souverains, une bataille à Ankara, 1402, à côté d'Ankara, et Bayezid a été vaincu complètement, même été fait prisonnier, et l'Empire s'est à peu près désagrégé, au moins sa partie musulmane, puisque l'un des fils a réussi à conserver tout le précaré européen. Et petit à petit, après 10 ans d'interrègne, de lutte fratricide, Mehmed Ier va réussir à remettre sur pied un empire qui va petit à petit redevenir ce qu'il était, puis continuer à croître. Mais ça a été un moment de doute profond. Et au milieu du XVe siècle, le doute dissipé, Mehmed II, que vous citiez tout à l'heure, va prendre l'initiative d'assiéger Constantinople comme s'il avait compris que son domaine ne trouverait son point d'équilibre que si Constantinople y était intégrée. Oui, bien entendu. En fait, du reste, il n'est pas le premier à avoir envisagé, voire essayé, à commencer par Bayezid Ier, dont nous parlions à l'instant. Au moment où nous nous situons, donc en 1453, ce qui reste de l'Empire byzantin, indépendamment d'autres territoires, en particulier dans le Péloponnèse, constitue une enclave au sein de l'Empire ottoman, et qui a des intérêts. C'est une grande place financière et économique, mais en même temps, elle gêne les communications, moins, comme on le croit souvent, entre la Marmara et la mer Noire, qu'entre les deux parties de l'Empire, parce qu'il faut pouvoir traverser les détroits, et c'est compliqué. Donc, c'est devenu très gênant. Et en même temps, c'est l'occasion d'un coup d'éclat, et c'était un vieux rêve du très jeune Mehmed II. Oui, il a 20 ans, 21 ans. Et le voici ici dans un film signé Farouk Aksoy, après la victoire sur Constantinople, entrant dans Sainte-Sophie. Alors les chrétiens laissent de ce moment des relations funestes, de lamentation et de déploration. Le film, qui appartient au roman national turc contemporain, il date de 2012, insiste sur la bénévolence du souverain ottoman. N'ayez crainte. Dorénavant, nous partageons la même vie. Nous partageons les mêmes terres. Et aussi le même destin. Vous êtes libre d'exercer votre foi à votre convenance. Bon, ça, c'est la vision que les Turcs veulent avoir d'eux-mêmes. Un certain nombre d'entre eux, en tout cas. Mais il a hésité d'ailleurs, le souverain ottoman. Est-ce qu'il allait raser Constantinople? Est-ce qu'il allait faire de Constantinople sa capitale? Qu'est-ce qu'il allait faire des chrétiens? Il y avait quoi? 2/3 de chrétiens sur 50 000 habitants? Il n'y avait plus beaucoup d'habitants. Dans Constantinople, en 1453, il n'y a pratiquement que des chrétiens, bien entendu. Il n'y a que des chrétiens. Tant qu'elle est byzantine. Bon. Alors ensuite, oui, il y a eu des débats. Il n'a pas imaginé immédiatement de s'installer à Constantinople. D'autre part, la question de savoir s'il fallait garder la ville ou la raser a pu se poser, mais je ne pense pas que lui, cela soit vraiment beaucoup posé. Ce sont d'autres milieux politiques hostiles à une certaine politique impériale qui était aussi style à l'installation à Istanbul. Alors, maintenant, bon, le discours qu'on vient d'entendre est évidemment un peu faussé, mais pas totalement dépourvu de fondement non plus. Je veux dire que les Grecs de Constantinople sont des esclaves qui ont été conquis à la guerre, mais c'est vrai que Mehmed II va assez rapidement utiliser. Non, je veux dire, cherche le mot. Intégrer. Manumission. Les affranchir, merci. Les affranchir. C'est le gâtisme, pour pas s'en faire. Ça n'a pas été de beaucoup d'aide, mais... Va rapidement les affranchir ses propres esclaves, en racheter d'autres, et installer des populations grecques, en particulier indigènes, dans la ville, de même qu'il fera venir des populations juives, qu'il fera venir des populations chrétiennes d'autres pays conquis. L'idée étant quand même même qu'une capitale d'empire musulman est une capitale multiethnique, multireligieuse. C'est-à-dire qu'il relève une tradition impériale en Méditerranée qu'on a connue depuis Rome. Et alors, il a un mode d'administration déjà assez original des populations non musulmanes qui peuvent être majoritaires dans un certain nombre de secteurs de l'Empire. Ah ben, il y a toute une série de territoires où les non-musulmans sont majoritaires, ou bien où les musulmans ne sont présents que dans les villes et pas dans les campagnes, bien entendu. Alors, tout va dépendre de l'endroit où l'on se trouve, tout va dépendre aussi du moment où l'on se trouve, avec une intégration qui se fait progressivement dans un ensemble. Mais c'est vrai que de toute manière, dans la mesure du possible, les Ottomans maintiennent ce qui est maintenable des juridictions locales, tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec leurs propres règles, même dans des domaines fiscaux, par exemple. Alors c'est très important, l'impôt, comme facteur discriminant et organisateur. C'est ça qui fait l'État, l'impôt. Ouais, et ouais. Les Ottomans y tiennent beaucoup. Hein. Ouais. Un pays sans impôt, c'est un pays de sauvage. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait en matière d'impôt des chrétiens? Alors les chrétiens, ils ont des impôts. Enfin, pas les chrétiens, les non-musulmans. Pardon. Les non-musulmans payent des impôts particuliers, une capitation en particulier, qui n'est pas imposée aux musulmans. Sinon, ils vont payer des impôts que tout le monde paye aussi. Le monde ottoman est réparti entre musulmans et non-musulmans, mais aussi entre contribuables, musulmans, non-musulmans, et gens qui travaillent pour le sultan et qui donc ne payent pas l'impôt. En tant que fonctionnaire, je trouve ça très bien. Vous êtes très attaché au service public, c'est pour ça que vous venez à France Inter, d'ailleurs. Ouais, mais... Donc, je suis un peu perdu le fil de ma pensée. Oui, l'impôt, c'est ce qui fait aussi la cohésion de la société, bien entendu. Alors, parlez-nous quand même, parce qu'on vous attend à 14h42 sur ce sujet. Du ramassage, je ne saurais prononcer bien le mot en ottoman, des garçons chrétiens, ça existe depuis la fin du XIVe siècle, mais ça prend beaucoup d'importance, au XVe, au début du XVIe, où nous parvenons, qui vont constituer une partie des troupes, les janissaires. Oui, alors ça c'est en effet le defshirme, le ramassage. C'est assez compliqué parce que le principe, c'est que relativement régulièrement, on va recruter dans les campagnes, certaines d'entre elles, certaines sont exemptées, de jeunes garçons. Alors contrairement à ce qu'on croit souvent, des adolescents hein, entre 15 et 20 ans, pas des enfants de 4 ans. Donc en fait, des gens qui ont déjà une langue maternelle, qui ne perdent pas conscience d'avoir une famille ailleurs et qui souvent conserveront des contacts quand ils sont assez puissants par la suite pour pouvoir les conserver. Et ils vont être amenés à la capitale et là triés, les plus beaux, les plus brillants vont être conservés pour être élevés au sein du palais et fourniront l'élite de l'administration et de l'armée ottomane, c'est-à-dire un peu la même chose. Les moins beaux et brillants vont être envoyés pour se former un peu à la dure dans des familles turques où ils apprendront un islam plus populaire que ceux qui sont formés au palais. Et puis ils seront ensuite ramenés à la capitale où ils vont avoir toute une série de tâches plus ou moins lourdes, et au bout d'un certain temps, les plus méritants seront recrutés en effet dans ce corps des janissaires, et fourniront une troupe d'élite qu'on n'envoie pas en première ligne. Hein. Ils viennent finir le travail quand la chair à canon a déjà bien donné. On ne décrira pas les conquêtes par le menu de Selim, le successeur, 1512-1520, mais on a du mal, nous, à se représenter l'Empire ottoman comme englobant, peu à peu, au début du XVIe siècle, le Caire et sa tradition religieuse, l'Iran et l'Afrique du Nord. Oui, alors ça fait un ensemble immense. Ça fait un ensemble considérable, ça se fait petit à petit. Il faut pas tout confondre. Hein. L'Afrique du Nord, ça s'est fait un petit peu par hasard, sans vraiment qu'au début les sultans y aient accordé une importance considérable. C'est d'abord un homme en rupture de banc, Oruç, et son frère Hayreddin Barberousse, qui sont partis à l'ouest parce qu'ils n'avaient plus leur place à l'est, et ont ont été amenés à créer un petit royaume autour d'Alger qu'ils ont fini par donner à la porte. C'était très loin et on avait conscience des difficultés quand les rayons d'action étaient trop éloignés. En revanche, c'est bien Selim Ier qui s'est emparé des territoires mamelouks, de Syrie en 1516 et puis d'Égypte en 1517, qui de ce fait a reçu la soumission du shérif de la Mecque, ce qui est évidemment fondamental et qui est devenu par là le protecteur des deux saints sanctuaires de la Mecque et Médine, ce qui est un titre extrêmement prestigieux qui fait de lui le principal souverain musulman et aussi une lourde tâche puisqu'il faut assurer la sécurité du pèlerinage. Et sous Soliman le Magnifique, eh bien ce sera la prise de Bagdad et là aussi la récupération d'un immense héritage. On entend un poème de Baki consacré à Soliman le Magnifique, on est vers sa fin. Et puis le générique qui va suivre, après les mérites vantés de Baki, ô mortel, gardez vos cœurs purs devant l'illustre exemple du sultan, ben, le générique qu'on entendra, c'est celui d'une série télé qui a une dizaine d'années, que vous connaissez moins bien que Baki, mais qui a eu beaucoup de succès dans tout l'espace ex-ottoman, depuis la Bosnie jusqu'à l'Asie centrale. Oh toi, marqué par le sceau de la gloire, l'air frémit à ton nom et la houle se soulève. Oh mortel, gardez vos cœurs purs. Que cet illustre exemple vous tire de vos sommeils. Ce lion des combats, cavalier mirifique, dont le champ de course était le monde trop étroit pour sa fougue, dont le glaive aigu avait Magyar soumis, qui, cimetière au poing, avait franc ébloui. Le voyez-vous ? Voici l'Empire ottoman arrivé à son zénith. Nous sommes toujours avec Nicolas Vatin. Vous nous parlez de Baki ou vous nous parlez de la série télé ? Je connais mal la série télé, pas très bien Baki non plus. Mais Baki était un proche de Soliman et il corrigeait ses petits poèmes. Parce que Soliman était poète aussi, mais pas très doué, semble-t-il. Oh ben vous êtes sévère. Il est présenté généralement comme étant un protecteur des arts, ce et un amateur éclairé. Ce qu'il était, et les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne fait pas forcément le génie puritique. Et comment la cour était-elle organisée ? Avec quelle place, justement, aux lettres et aux arts ? Alors, la question est un peu compliquée. Vous avez d'abord un honnête homme ottoman, c'est quelqu'un qui sait parfaitement le persan, assez bien l'arabe, qui est poète à 16 heures, bien entendu, voire musicien, enfin poète en tout cas. D'autre part, le sultan en tant que tel, et l'homme Soliman, puisque c'est de lui qu'on parle, est aussi bien sûr un amateur d'art, un mécène. Il y a des ateliers du palais qui font des armes mais qui font aussi des miniatures de la calligraphie de l'orfèvrerie. Soliman lui-même était d'ailleurs orfèvre parce que comme les rois de France et les princes ottomans apprenaient un métier manuel. Bien entendu, il y a une attention très importante accordée à l'architecture. C'est le moment où Sinan va... L'architecte des mosquées bien connu. Ouais. Voilà, va mettre en place un art ottoman fait de grandeur et de sobriété qui est toujours très vivant. Et puis, il y a un intérêt pour la littérature considérable, et les manuscrits pouvaient sortir un petit peu du palais pour être lus, bon, entre mains d'entre gens qui ont fait confiance. On reviendra sur votre livre « Les Ottomans par eux-mêmes » qui paraît aux belles lettres, mais vous y insistez sur les pratiques ordinaires, sur les inégalités qui se vivent au quotidien et que l'administration de la sublime porte, c'est ainsi que parlent les ambassadeurs de François Ier et du grand vizir de Soliman, que l'administration de la sublime porte essaye d'aménager. On prend un exemple, le vin, par exemple. Alors, il y avait des régions où on pouvait consommer le vin, et je l'ai lu, d'autres non, bien sûr. Bah, le vin, c'est un élément essentiel du culte d'une des principale civilisation et religion de l'Empire qui est la chrétienne, pas de christianisme sans vin. Les juifs n'ont aucun problème avec le vin. Quant aux musulmans, ça sera plutôt volet clos, mais enfin ça les intéressait beaucoup aussi, un certain nombre d'entre eux. Alors, commencer par le conquérant de Constantinople, oui, ce que oui, j'ai lu. Mais, oui, et puis Selim II, l'ivrogne. Bon, Selim II, l'ivrogne, non, je ne savais pas. Bah, c'était son surnom. Ouais. Quand on voit les miniatures qu'il représente, on voit. De toute manière, le vin par lui-même est autorisé à ceux qui ne sont pas musulmans. En revanche, bien sûr, il est interdit d'en vendre à des musulmans, sauf sous le manteau. Il est interdit d'en consommer à côté des mosquées, à côté des lieux un peu saints. Et donc, c'est toujours un équilibre avec peut-être aussi une volonté qui s'accentue au cours du règne de Soliman, de plus d'orthodoxie, de plus de respectabilité. Mais le vin reste une histoire ottomane et turque, bien sûr. Oui, mais on sent partout des frottements, quand même. Alors, je prends un autre document que vous publiez, un dignitaire chrétien et de la première importance à Jérusalem. Voilà qu'il pisse sur un endroit inapproprié, vraiment inapproprié, le mur d'une mosquée. Alors qu'est-ce qui se passe dans un cas comme celui-ci ? Alors là, c'est un très bel exemple. Le document est parfaitement authentique. Hein. Il vient des archives ottomanes. En l'occurrence, il s'agit d'une plainte émanant des musulmans qui cherchent à se débarrasser de la présence de ces chrétiens à côté de leur quartier. Et quand on voit la réponse du sultan, on comprend qu'il se tapote un peu la barbe et que se dit que là, tout de même, l'accusation est un peu lourde. Il demande qu'on vérifie quand même. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que plus l'islam se développe, plus il y a une tendance dans les quartiers à vouloir être entre musulmans, à ne pas être pollué par la proximité de juifs ou de chrétiens. Et ça crée souvent, on ne parle que de ce qui ne va pas, hein, bien entendu. C'est comme chez nous. Donc souvent est excessif. Mais ça peut créer de vraies tensions. Et c'est vrai que l'administration ottomane s'efforce toujours dans ces cas-là de ménager la chèvre et le chou, d'éviter que ça aille trop loin, de protéger ces sujets non musulmans, tout en donnant plus ou moins raison aux musulmans qui ont souvent, disons, une forme de droit pour eux. Alors, on est toujours à l'époque de Soliman le Magnifique. Je vous propose qu'on prenne de l'altitude et que du quotidien, on passe à la géopolitique 1529, échec du siège de Vienne. Bon, c'est pas si important que ça, dites-vous. Hein. Non, c'est pas... Dans la conscience chrétienne, oui, mais bon. Voilà. En revanche, ils ont... ce qui compte, c'est que petit à petit, on s'installe vraiment en Hongrie. D'ailleurs, sans l'avoir totalement voulu au départ. 1535, reprise de Tunis par Charles Quint. 1538, Sainte Ligue des puissances chrétiennes, et même de Venise, contre Soliman. C'est à cet instant que se situe l'interprétation que fait Fernand Braudel, l'auteur de La Méditerranée au temps de Philippe II, de l'Empire méditerranéen des Ottomans. Et voyez, de succès en succès, toute la Méditerranée a été en quelque sorte enveloppée. Ils sont devenus les maîtres des Méditerranées du monde oriental. Ils ont pu constituer une flotte, et une flotte qui, très vite, est devenue une flotte très, très dangereuse pour le monde occidental. C'est une flotte qui, constituée à Constantinople, traverse l'Hellespont, traverse les relais de la mer Égée et arrive soit au débouché de la mer Adriatique au canal d'Otrante, ou même quelquefois s'en va au-delà du détroit de Médecine. Le détroit de Médecine, on peut le franchir et arrive jusqu'au monde occidental. Or, cette conquête de la Méditerranée a été réalisée au lendemain de la bataille de Prevesa qui est de 1538. La bataille de Prevesa a permis, à partir de 1538, aux flottes ottomanes d'être les maîtresses de la Méditerranée. Maîtresse de la Méditerranée, et par le relais d'Alger, maîtresse de la Méditerranée jusqu'au détroit de Gibraltar. Alger, les Barberousses que vous citiez tout à l'heure, cette puissance maritime, elle a mis d'ailleurs du temps à prendre l'ascendant. Oui, les Ottomans ont constitué une flotte qui longtemps n'a pas été aussi brillante que d'autres, et d'ailleurs très longtemps encore, pendant la guerre contre Venise, autour de la guerre de Crète au XVIIe siècle, ce sont en fait les Vénitiens qui tiennent la mer, pas les Ottomans. Alors en revanche, que les Ottomans ont pour eux, c'est un arrière-pays qui leur offre les possibilités de construire des bateaux en grand nombre, de reconstruire rapidement une flotte quand elle est détruite, c'est ce qui sera le cas après l'époque. 1460, après les pentes, la flotte ottomane est reconstruite dans l'année qui suit, même si c'est avec du bois vert, même si, bon, voilà. Maintenant, ce qui a été important, évidemment, c'est l'affaire de Hayreddin, qui a rejoint Istanbul. C'est la volonté de Soliman d'aller plus à l'ouest avec la flotte, mais quand même principalement avec une idée de puissance de revers. La vraie question, c'est le Danube, c'est pas la Méditerranée. Je ne suis pas certain que Preveza ait été quelque chose de tellement important en géopolitique. Et vous insistez sur la mer, l'arrière-pays, mais aussi sur les confins, parce qu'il faudrait penser au peuple des marais d'Irak, dites-vous, aux Arabes bédouins, vous parliez de la Mecque, aux Kurdes. Là, la mainmise des Ottomans est relative. Oui, plus on s'écarte, mais c'est vrai aussi en mer. Les îles de l'Égée, très rapidement, ont connu des formes d'auto-administration. Plus on s'écarte et plus les choses prennent une forme particulière. Vous avez les provinces centrales très organisées avec un système dit de répartition de territoires dont les revenus fiscaux reviennent aux cavaliers de la porte, c'est ce qu'on appelle les timariotes. Et puis, quand on va un peu plus loin, vous avez des provinces qui sont censées s'autofinancer avec un surplus qui va aller à la porte. C'est le cas de l'Égypte, par exemple. Et puis vous avez des territoires franchement vassaux, la Roumanie et la Valachie, la Transylvanie, certains petits royaumes du Caucase, Raguse, les régences barbaresques aussi sont en fait en pratique des états vassaux. Et puis des territoires qu'on contrôle plus ou moins bien. Nous parlions du peuple des Marais. Tant qu'on n'a pas asséché les Marais, ce qui s'est malheureusement fait à un moment, on n'a jamais vraiment contrôlé ces populations. Et de temps en temps, on envoie une expédition pour calmer le jeu, parce que la difficulté, c'est de tenir Basra si on ne tient pas le château d'Arabe. Revenons au centre. Alors, on a utilisé le mot divan, vous avez parlé de la porte et de ses cavaliers, de la sublime porte et de son grand vizir. Alors, arrivé à ce point, vers la fin de l'émission, Ottoman, on peut essayer de dire ce que ça veut dire ? Alors, c'est un mot compliqué. Au sens littéral, Osmanlı, c'est celui qui est lié à Osman, qui dépend d'Osman, donc les gens... La principauté de départ et la maison. Donc, la gens de la maison d'Osman, ses esclaves, sa famille, mais les cools, les esclaves, mais petit à petit, on en vient à l'idée qu'au fond, quiconque travaille pour le sultan a plus ou moins son cool, c'est-à-dire que le mot d'esclave prend un sens de plus en plus flou, et puis ça va définir à un moment donné, peut-être, les sujets d'Osman, mais c'est un mot qui ne sera pas utilisé comme ça par les Ottomans. Alors, c'est nous qui parlons d'Ottomans, parce que quoi dire d'autre ? Ce sont des gens qui sont liés à une dynastie, qui reconnaissent son administration, sa justice surtout, et la justice du sultan est fondamentale. On peut faire des centaines de kilomètres pour aller présenter un placet au sultan, et ça se fait vraiment, ça n'est pas une théorie. Des gens qui peuvent être très anti-musulmans et profondément chrétiens ont quand même le sentiment qu'ils appartiennent à un monde et ne se posent pas la question en vérité. Merci à vous, Nicolas Vatin, Les Ottomans par eux-mêmes, votre dernière publication, et puis toutes les autres sur notre site. Maxime Ingrand pour la technique, Juliette Gou à la réalisation.